Les délégués des festivités consacrées au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung ont visité le 13 Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, et le musée de la Révolution coréenne.